Audiomatic. pour introduire la transmission 358 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi le projet sud-africain Akertong et sa pièce Night Runner tirée de son plus récent album Ghost Nocturne paru en 2019. Nous vous présentons à l'instant à Audiomatic la musique du compositeur australien Ben Frost. this flame and burnt my eyes. Mesmerized, ingrained in my retina. 50,000 generations of lovers entwined, and a million years of fossils burning in a pyre, while I'm moving to a future without fire. But how much deeper can I dig? Put out the fire with a tear. Exhume all that's within. I'll give you one more. Dream a dream, 3 billion dreams. Blow out the flame and close your eyes. Every night we're side by side. 4.5 billion years of radiant light, and the radiant child with eyes burning with desire, moving in a ring of fire. But how much more can I sing until the smoke has cleared? Wipe the ash from your brow and give it one. Thank you. À Audiomatic, nous entendions une nouveauté du groupe montréalais Soons, qui a lancé un nouvel album le 3 septembre dernier, intitulé The Witness. Tiré de cet album, nous vous avons présenté la chanson The Trilogy. Et pour débuter, le compositeur australien Ben Frost, qui est basé en Islande, nous offrait sa pièce Entropy in Blue, extraite de son album The Center Cannot Hold, paru en 2017. Et c'est avec la musique du projet bolivien El Milagro Verde que se poursuit maintenant Audiomatic. Thank you. trust you. House of God. The house of God. The house of God. The house of God. I'm gonna say it again. The house of God. The house of God. The house of God. Come on now. House of God. God's house. The house of God. Didn't we want to waste time talking about what the devil do? You know the devil sure is doing this and sure is doing that. You know people ain't like this. Like this. House of God. God's house. The house of God. I am excited about the house of God. The house of God. We'll be right back. powerful God's house. Hello, everybody. The house of God. Everybody know what I'm talking about. God's house. What do I do? The house of God. Come on now. Some yes work, where you are. Isn't that powerful? À Audiomatic, nous venons tout juste d'écouter la musique de l'artiste John Stephen Corrigan, qui se produit en solo sous le pseudonyme Jack Dangers en parallèle de son projet principal Meat Beat Manifesto. La pièce que nous avons entendue, à savoir House of God, vous a été présentée en deux versions remixées, placées une à la suite de l'autre sur l'album pour en faire un tout. La première version étant remixée par Jack Dangers lui-même, alors que la seconde l'était par le projet DHS, acronyme pour Dimensional Holophonic Sound. Ces deux versions se retrouvent sur l'album Hello Friends de Jack Dangers. Avant cela, il s'agissait de la formation colombienne Bomba Estéreo qui nous livrait Pure Love, pièce se retrouvant sur leur deuxième album intitulé Elegancia Tropical, paru en 2012. Et la séquence s'amorçait sur la musique du projet El Milagro Verde, de qui nous entendions la pièce Platano, apparaissant sur son seul album Orbital Chicha. Les sonoristes qui prolongent cette transmission d'Audiomatique avec la formation Mazistar. Right through front. Thank you. it's not the way to think. Talk about a rumor, then talk about a high and low. You know it won't satisfy my needs. It won't satisfy my needs. Say na na na na na na. Il s'agissait à Audiomatic du groupe norvégien Bel Canto, fondé en 1985, et la chanson Rumor, ici remixée par Espen Berg et Jan Bang sous le nom BB Remix. La version originale de Rumor est tirée de l'album Magic Box de Bel Canto, sorti en 1996. Et en amorce de séquence, c'était la formation Mazzy Star et la pièce titre de leur premier album She Hangs Brightly, lancé en 1990. Cette transmission d'Audiomatique se conclura sur une courte pièce de l'artiste Paul Lemos qui nous livrera Ham Slammer de son album solo Phlegm Dive, sorti en 1992. Soulignons au passage que Paul Lemos est un des membres fondateurs de la formation new-yorkaise Controlled Bleeding, qui a vu le jour en 1978 et qui est encore active aujourd'hui. Nous vous invitons à visiter nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes transmissions d'Audiomatique. Nous serons de retour en ondes mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 359 d'Audiomatique. Voici donc comme digestif à cette transmission d'Audiomatique Paul Lemos et Ham Slammer. C'était Audiomatique avec les sonoristes. We'll be right back.